Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la chronique Je m'en tape, une émission dédiée à la découverte du développement personnel pour créer une vie qui vous ressemble en développant vos savoir-être. Je suis Émilie Adam, coach en développement personnel et professionnel et je suis heureuse de vous présenter cette chronique dont le principe est de rendre accessible une notion de développement personnel et de donner des éléments concrets pour avancer. Alors c'est parti, aujourd'hui nous allons parler de la procrastination. Du verbe procrastiner, premier groupe, au présent ça donne « je procrastine »,« tu procrastines »,« il procrastine », »,« nous procrastinons », tous pour plein de choses, et moi la première, par exemple, hier, comme toute la semaine d'ailleurs, je procrastinais pour faire ma chronique. La procrastination, c'est vraiment tout un art. L'art de remettre les choses à plus tard, au lendemain, au mois prochain, à l'année prochaine, pour faire d'autres choses qui semblent vachement plus gratifiantes dans l'immédiat. Comme regarder ses emails alors que je l'ai déjà fait il y a 5 minutes, scroller pendant une heure sur Instagram pour admirer la vie des autres, ou encore naviguer sur YouTube. Alors j'ai commencé avec une vidéo TEDx de Tim Urban sur la procrastination pour finir sur des tournois de ping-pong, me demandez pas comment j'en suis arrivé là. Et depuis la semaine dernière, eh bien, je pratique cet art de la procrastination chaque jour, en me disant que j'ai encore le temps d'écrire ma chronique, puisque ce n'est que pour jeudi. Et au lieu de faire ça, eh bien, je réalise des choses beaucoup plus fun. Alors c'est pas faute de m'y être mise à plusieurs reprises, vendredi motivé et décidé, je me mets en action. Je me rends alors sur Google pour vérifier la définition de la procrastination, je clique sur un site et là, hop, une pub s'affiche pour me montrer un magnifique salon de jardin en promo. Merci aux cookies. Je ne peux pas m'empêcher de cliquer sur cette pub et je me retrouve à naviguer sur le web de site en site à la recherche du salon de jardin de mes rêves, alors qu'on est en plein hiver, et finalement j'ai complètement oublié l'écriture de ma chronique. Dimanche, pleine d'entrain et de motivation, je me rends à nouveau sur internet quand soudain Facebook m'informe que Juliette a commenté une de mes publications. Je décide alors de lui répondre et je me retrouve happé par le fil d'actualité qui m'engloutit tout entière entre des chatons qui jouent avec des sapins de Noël ou des photos d'écureuils et j'oublie encore l'écriture de ma chronique. Et des excuses comme ça, eh bien j'en ai eu jusqu'à hier soir, 22h, et j'ai pris conscience à ce moment-là que je devais pour le lendemain matin 7h30 avoir cette chronique en main. Alors gros coup de panique, je me mets en action pour écrire quelque chose et cette fois rien n'a plus dérangé l'écriture de cette magnifique chronique du jour. La procrastination, c'est toute l'histoire de ma vie passée. Par exemple, pendant mes études, j'ai révisé le bac 3 jours avant. Et puis pendant mes études supérieures, j'ai finalisé 120 pages de dossier en 2 jours et une nuit. Non pas parce que je suis extraordinaire, mais parce qu'il fallait le rendre à cette date, quoi. Et j'avoue volontiers que dans ces conditions, malgré mon intelligence certaine, mes résultats étaient quand même plutôt mitigés. Il faut comprendre que la procrastination touche tout le monde. D'une manière générale, l'être humain est feignant et c'est normal. Si on prend les animaux dans la nature, à part pour manger et boire où ils fournissent éventuellement quelques efforts, ils passent leur journée à jouer ou dormir. Et je parle pas des animaux domestiques hein, qui ont rien à faire si ce n'est miauler devant le frigo. Et franchement, c'était également notre seule préoccupation quand nous étions des hommes préhistoriques. Ah la belle époque. Cependant, la société évoluant, eh bien aujourd'hui nous avons plein de choses à penser et à faire, et parfois nous oublions l'essentiel. Et ce repas qu'on doit organiser pour réunir nos amis, ce séjour en mer Rouge pour faire de la plongée, ce nouveau jeu qu'on doit tester avec notre enfant. Et au lieu de réaliser nos rêves et d'être acteurs de nos vies, eh bien nous subissons notre quotidien en mode spectateur avec des journées qui se ressemblent chaque jour un peu plus. Et puis on finit par perdre beaucoup de temps à faire des choses gratifiantes dans l'immédiat mais qui font pas sens à long terme quoi. Alors qu'est-ce qui fait qu'on procrastine? Eh bien dans la majorité des cas, c'est l'absence de date butoir. Parce que face à une échéance, tout le monde finit par se mettre en action. Dans les exemples que je vous donne sur l'écriture de ma chronique ou sur mon dossier à rendre, il y a une date qui m'oblige à me mettre en action, sinon les conséquences seront plus fortes que ma satisfaction à glander. Me dire que je vais devoir recommencer une année de scolarité, je vous assure, ça me fait perdre toute envie d'aller survoler mon quartier avec Google Earth pendant 2h30. Alors on pourrait se dire, ok, finalement, c'est juste que je travaille à la dernière minute, c'est pas très grave au fond, tant que j'arrive à faire ce qu'on me demande dans les temps. Où est le problème ? Bien sûr, dans certains cas, la société nous impose des délais, comme la déclaration de ma TVA qui doit être faite avant le 10. Mais pour combien d'autres choses n'avons-nous pas de date imposée ? Alors qu'en est-il dans ces cas-là ? Eh bien, on peut passer à côté de soi et vivre sans jamais avoir réalisé ses rêves. Parce qu'un rêve, c'est jamais urgent, c'est juste important. Tout de suite, ça met un froid. Ah non, c'est juste la fenêtre qui est ouverte. Alors voyons maintenant quelques stratégies pour éviter de procrastiner. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous procrastinons souvent parce que nous n'avons pas de date butoir. Une des astuces que j'ai trouvées pour éviter de procrastiner, eh bien c'est justement de me fixer des dates. Par exemple, plutôt que de dire à mes amis « Ouais, ok, on se voit à l'occasion », eh bien désormais je leur dis « Quand est-ce qu'on se voit ? Bloquons une date tout de suite ». Pour les vacances, je réserve et je paye mon billet d'avion à des dates précises, ce qui m'oblige à partir en vacances. Et oui, je fais partie de celles qui procrastinent pour poser leurs vacances. Pour faire une formation sympa qui me tient à cœur, mais que je repousse pour plein de fausses bonnes raisons, eh bien c'est pareil que pour les vacances. Je réserve ma place dans la formation assez rapidement, ce qui fait que bah, j'ai payé, donc les dates sont posées. J'ai également appris à m'organiser et à définir des objectifs que je réalise en définissant un plan d'action étape après étape. Et ce sera d'ailleurs l'objet d'une prochaine chronique. Une autre cause de la procrastination, c'est l'absence de plaisir à faire cette tâche que l'on repousse. Par exemple, quand il faut faire les tâches ménagères ou jardiner, je n'éprouve aucun plaisir et j'ai beau me fixer une date, eh bien ça fonctionne pas toujours. Dans ce cas-là, je délègue à quelqu'un de plus passionné ou compétent que moi. Non seulement ce sera mieux fait, mais en plus de ça, j'aurai du temps pour faire quelque chose qui fait plus sens pour moi. Sinon, quand je ne délègue pas, eh bien, je me promets une récompense lorsque j'ai fini d'effectuer cette tâche, bien sûr. Ça m'aide à rester motivé et à passer à l'action. Par exemple, pour me remercier d'avoir fait ma comptabilité, je peux m'offrir une voiture télécommandée ou m'octroyer une pause devant une série, une paire de boucles d'oreilles, une promenade en solo ou plein d'autres choses. La procrastination peut être aussi causée par une peur. Par exemple, la peur d'échouer. Je ne me lance pas dans l'action, comme ça, eh bien ça m'évite en cas d'échec de me dire que c'est 100% de ma faute. Bah ouais, tu comprends, je pas réussi, mais parce que j'ai rien foutu en fait. Tu vois, si j'avais vraiment travaillé, bah j'aurais réussi, c'est évident. Malgré tout, c'est une stratégie qui fonctionne peu puisque l'estime de soi est quand même mise à mal. Dans ce cas-là, un travail sur soi sera nécessaire pour mieux se connaître, avoir plus confiance en ses compétences et ses capacités pour réussir, et ainsi apprendre à mieux vivre ses échecs. Si malgré toutes ces stratégies, il y a des tâches que vous continuez à repousser sans cesse, peut-être que ça signifie qu'au fond de vous, ça n'est pas vraiment ce que vous voulez faire, que cela ne fait pas sens, bah que peut-être c'est la pression sociale qui fait que vous pensez devoir réaliser cette tâche, mais qu'au fond, ce n'est pas vraiment ce que vous voulez. Donc là, la procrastination peut être un bon indicateur de ce qui vaut vraiment la peine d'être fait. Posez-vous la question du sens derrière la tâche à accomplir. Et enfin, pour accomplir des choses qui sont vraiment importantes pour vous et qui font partie de l'ordre du rêve, je vous invite à faire la liste des 101 choses que vous aimeriez faire avant de mourir, c'est la fameuse bucket list. Et surtout, à mettre une date de réalisation et chaque année, de planifier tous ces rêves que vous avez prévus. Alors c'est pas forcément des choses incroyables ou irréalisables, et vous n'allez pas trouver les 101 rêves d'un coup, donc prenez le temps d'écrire au fur et à mesure vos idées. Alors par exemple, ça peut être apprendre à danser, participer à un tournoi sportif, faire un saut à l'élastique, nager avec des dauphins dans le respect de l'environnement, goûter un vin prestigieux, ou plein d'autres choses. Estimons que 70 ans est une moyenne d'espérance de vie, ça équivaut en fait seulement à 840 mois. Vu que j'ai 32 ans, en fait, il me reste plus que 456 mois pour réaliser mes rêves. Alors c'est parti, bah, je vais pas perdre de temps et je vais tout de suite fixer la fin de cette chronique à maintenant. Alors à bientôt! Je m'en tape.